Loin. Loin, à ne pas confondre avec son homonyme, se trouve, on eût pu s'en douter, tout au bout, oui, là-bas, enfin derrière, non, encore au-delà, pas la porte à côté. Pour aller loin, il faut, en veux-tu, en voilà, acheter mes dictons, ils sont beaux, pas chers, ménager sa monture. Encore faut-il en être pourvu, de monture. Pourvu qu'on en ait une, on peut cheminer sûr, mais si on en est démuni, pas moyen d'avancer. L'immobilisme, ça n'est pas qu'un état d'esprit, fort fréquent cette fin de siècle. C'est aussi une réalité physique, et pas seulement pour Selma Lagerlof. Isolation, comme diraient les anglo-saxons, qui ne sont, je vous le donne en mille, ni angle ni saxon, de même qu'un français n'est a priori ni germain ni celte. Ou isolement, pour tenter de traduire cette notion si délicate. Corne-bredouille, rendez-moi la langue d'antan, mais je m'égare au canard. Retournons à nos mouflons. Loin est tout sauf accessible, loin s'en faut. Pour aller loin, il faut savoir partir matin, se lever tôt, prendre la vie du bon côté, mettre le pied à l'étrier dès la première heure, être audacieux, posséder l'avenir, lire le futur dans les astres, mettre des baffes aux deadlines, ou lignes mortes, pour n'employer que des termes français, et marcher sur la ligne blanche. C'est tout un art qui demande à la fois ponctualité, pugnacité et d'autres qualités commençant par P, dont il faudra dresser la liste après avoir dressé la table. Couchez !